cœur s'emballe. Ce qui n'est pas banal, tout de ton combattant qui m'a rendu femme. Ce qui n'est pas banal, c'est de vouloir son bonheur et sa tendre âme. Car la haine, ça fait mal. Que je condamne, et qu'avec une opale, un tout s'éclaire dans la nuit, je me crois à Paname, et bien sûr j'ai décidé de ne plus vouloir, ce qui reste inaccessible, ce que tu ne donneras pas. Merci beaucoup. Je suis Aïda Khan. Jay au clavier, s'il vous plaît. Un gros énorme. Jay au clavier, s'il vous plaît. Eric, à la batterie. Guillaume, à la basse. Alex, guitare. Hervé, sax, s'il vous plaît.